Premier de cordée, les riches sont un fardeau pour la collectivité. C'est une tribune, écrite par Didier Arpagès, parue le 26 octobre 2017 sur le site reporter.net. La voici donc. L'omniprésent Emmanuel Macron défend le principe selon lequel la richesse des premiers de cordée peut sortir la société de la crise, mais pour l'auteur de cette tribune, la recherche de la richesse économique ne fait en rien le bien commun. Didier Arpagès est l'auteur de « Mourir au travail, plutôt crever ». Ce n'est ce qu'est le travail et ce qu'il pourrait être qui viennent paraître aux éditions Le Passager clandestin. Il collabore régulièrement à Reporter. À l'heure où le gouvernement d'Édouard Philippe, aux ordres de l'omniprésident Macron, s'apprête, après avoir détricoté le code du travail, à faire subir aux Français un choc fiscal lourd de conséquences, certains apôtres d'un vieux discours travestissent la classe dominante en un nouveau concept économique de manière à prêter aux riches de louables intentions. Il conviendrait donc de laisser faire ceux qui ont de l'argent car ils seraient les seuls capables de nous sortir de la crise sociale dont les plus vulnérables d'entre nous, qui ne sont rien, subissent les assauts répétés. La théorie du ruissellement, le « trickle-down theory », qui conseille de laisser la bride sur le cou des riches afin de leur permettre de s'enrichir davantage, voudrait nous convaincre des bienfaits de cet enrichissement aveugle. Il conduirait ses bénéficiaires à augmenter leur production et à créer des emplois. Encourageons en somme les riches à s'enrichir. Leur richesse lui ruissellera sur l'ensemble des classes inférieures. Cruelle fourberie. Madame Bettencourt, première fortune de France, ne fut pas assujettie à l'impôt sur la fortune. L'argent de la vieille demeura précieusement entre ses mains. Au nom de quel principe vertueux ses héritiers seraient-ils disposés à le faire ruisseler sur les plus nécessiteux? Les doux rêveurs qui croient encore en la magnanimité des puissants. Cynique, le président des riches soutient avec une autorité qui ne trompe que les naïfs et les doux rêveurs, lesquels croient encore en la magnanimité des puissants, que l'épargne conséquente d'aujourd'hui fera l'investissement glorieux de demain et les emplois nombreux d'après-demain. Il feint d'ignorer que dans un monde emporté par la dérive financière toujours plus folle, ce théorème d'inspiration libérale ne conduira tout au plus l'entreprise France qu'il dirige tel maître des dieux, qu'à se faire du gras plutôt que du muscle, au bénéfice exclusif des goinfres dont l'avidité et la cupidité sont aujourd'hui sans limite. À dire vrai, ces considérations visent encore à crédibiliser la définition conventionnelle de la richesse inscrite immanquablement dans nos imaginaires. Le premier de cordée, ce riche dont la réussite jugée exemplaire confère notoriété et prestige, demeurerait positionné immuablement au sommet de la hiérarchie sociale. Il s'autoriserait même à nous ouvrir la voie. Précisément, que faut-il entendre par richesse? S'agit-il, ainsi que le suggérait en 1884 William Morris, socialiste révolutionnaire et compagnon de route d'un marxisme en gestation, de ce que des hommes parviennent à réaliser grâce aux dons prodigués par la nature afin de satisfaire le décent, le suffisant, le nécessaire? Une production raisonnée, raisonnable, à la disposition d'une communauté humaine ayant proscrit toute forme de gaspillage? S'agit-il encore, sous la plume du même William Morris, de la conservation de toutes les formes de savoir et de la faculté de les diffuser, des instruments d'une communication libre entre êtres humains, des œuvres d'art, de la beauté de l'homme que l'homme crée quand il est véritablement homme volontaire et réfléchi, de toute chose qui participe au plaisir de gens libres, courageux et saints. Ça, c'était une longue citation. Au contraire, s'agit-il d'une abondance de biens offerts à une société dont la situation économique est prospère? Conception somme toute banale, pour laquelle les économistes de toute obédience exprimeront néanmoins leur approbation. La richesse, une distinction provocante. La richesse est une notion relative, dont le contenu peut être d'une grande diversité. Pardon, je reprends. La richesse donc est une notion relative, dont le contenu peut être d'une grande diversité et qui varie en fonction des époques, selon la préférence exprimée par les groupes sociaux, par les nations, par les cultures. Une évidence pourtant s'impose. La richesse des sociétés est faite d'un ensemble de biens et de services sur lesquels se focalisent les désirs du groupe social dominant. Dans les sociétés modernes, traversées par l'idéologie libérale, la définition de la richesse et son appropriation sont assurées par ceux qui profitent du travail d'autrui. Véritable fardeau pour l'ensemble de la collectivité, les riches, condamnés de manière constante à la surconsommation, se font entretenir par les pauvres, lesquels végètent cruellement dans la frustration et parfois la misère. Loin de satisfaire authentiquement les besoins matériels et culturels, l'accumulation des richesses se déploie surtout autour du principe de l'ostentation. Elle confère l'honneur. C'est une distinction provocante selon l'expression forgée par Thorstein Veblen dans la théorie de classe de loisirs. Le but économique de l'acquisition n'est pas la consommation triviale de biens accumulés, mais la rivalité. L'appropriation n'a rien à voir avec le minimum vital, mais avec ce qui provoque l'envie. Même dans les classes impécunieuses, désolé, j'avais du mal à piger le mot, même dans les classes impécunieuses, observe-t-il, le besoin physique de consommer n'est pas ce qui apparaît comme prédominant. En milieu capitaliste, la consommation devient stratégique. Elle permet d'afficher un niveau de vie supérieur à celui de son voisin. Son caractère ostentatoire, propice au mimétisme, est recherché par l'oligarchie, la classe dominante, et parasitaire. Les riches tiennent autant à leur rang qu'à leur argent. L'oligarchie prédatrice, auto-exclue, détachée des préoccupations sociales communes, incapable de prendre en charge le monde de demain, si ce n'est sous l'angle de la profitabilité financière. Elle impose ses normes de consommation et, ce faisant, devient l'acteur central des crises sociales et écologiques. Orienter la production selon ses désirs, provoquer un gaspillage insouciant des ressources naturelles, amplifier la crise écologique. Les nantis, disposant de la prérogative de vivre du labeur des plus pauvres, se montrent inaptes à utiliser la force de travail qu'ils se sont appropriée, de manière à produire de vraies richesses au sens où l'entendrait William Morris. Ils dispersent cette force à tout vent dans la production de pacotilles, de sorte que, ajoutait-il, l'existence d'une classe privilégiée n'étant rien nécessaire à la production de richesses, elle sert bien plutôt au gouvernement des producteurs de richesses, c'est-à-dire au maintien des privilèges. Orienter la production selon ses désirs, provoquer un gaspillage insouciant des ressources naturelles, amplifier la crise écologique qui n'a aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, imposer une organisation délétère du travail, dépossédé la classe laborieuse du produit de sa souffrance, l'amputé de ses facultés créatrices. C'est le projet insensé, irresponsable, dépourvu de toute légalité, lancé à la face du monde par la classe des possédants. Une exaltation de la production et de la consommation, une sanctification de l'économie et de la croissance, une vénération pour le progrès et l'innovation, une convoitise et une vénalité, tout cela entretenu par une minorité exempte de vertus civiques, aux seules fins de préserver son rang social. Un cinquième de la population mondiale accapare 4/5 de la production mondiale. Fallait-il le rappeler? Ainsi, il apparaît salutaire de fustiger notre adversaire, le premier de cordée, et surtout de le détacher de la cordée tout entière afin que celle-ci récupère sa dignité. L'objection faite à cette intolérable verticalité, venue d'une époque lointaine, ouvrirait une autre voie, celle de l'émancipation et de l'autonomie. Voilà, c'était une tribune écrite par Didier Arpagès sur le site reporter.net en ce 26 octobre 2017. Et à bientôt pour une autre lecture. Au revoir.